On va parler d'NFL aujourd'hui avec notre ami Fouché du site internet La Bits NFL. On va parler un petit peu, c'est une portion de commencer nos chroniques sur les carrières. Là, maintenant, on va parler des porteurs de ballon. Salut! Salut Denis, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Avant de commencer, on va parler de l'actualité un petit peu dans la NFL. Écoute, c'est très tranquille actuellement. Sauf qu'il y a une nouvelle que j'ai trouvé drôle, que j'ai trouvé que les gens au Québec pensent sont convaincus. Aimerait ça, et il y en a même qui croient que ça pourrait arriver, mais moi je crois pas pantoute, là. Il y aura un 17e match de l'année au calendrier qui a été ajouté à partir de l'an prochain, et Roger Goodell a mentionné qu'il aimerait avoir des matchs au Canada. Et là, le parc olympique, le stade olympique ont levé la main et ont dit on aimerait ça organiser ça. Est-ce que ça pognerait? Oui, c'est sûr et certain que ça pognerait. Par contre, le stade olympique, oubliez ça, la NFL ne s'en iront pas iront pas au stade olympique. Le stade olympique est pas, comment je peux dire, n'est pas décent pour recevoir un match de la NFL, malheureusement. Là. Il ne remplirait pas les critères de la NFL, mais il y a déjà eu un match de la NFL au stade olympique, mais c'est un match... Ouais, c'est vrai, mais c'était hors concours, si je me trompe pas. Ouais, là. C'est ça. Mais c'est déjà arrivé, et comme peut-être qu'un match hors concours, à la limite, mais même encore, c'est parce que ça répond plus aux critères actuels d'un stade de football. Alors, Toronto aurait plus de chance, quoique ça n'a pas décollé à Toronto. Non. Ils ont essayé. Bizarre pareil, hein? Ça n'a pas marché. Ça, là, honnêtement, là, ça fait partie des grands mystères pour moi. La NFL, ça fonctionne partout, sauf à Toronto. Mais partout, ils vont au Mexique, n'importe où en Angleterre, il y a des foules. Tout le monde veut avoir de la NFL. C'est la plus grosse machine de sport au monde, sauf à Toronto. Eux autres, je sais pas, là, ils étaient peut-être trop bons pour la NFL, mais ils se sont pas déplacés. Moi, je suis convaincu qu'une équipe à Montréal, qu'une équipe qui viendrait... Il y aurait une foule incroyable. Là. Il y a beaucoup de die-hard fans au Québec, de la NFL. Ça pognerait. Peu importe l'équipe. Hey, toi, tu descendrais-tu pour venir voir un match de la NFL? Je suis sûr que oui, puis moi, je peux t'assurer que je courrais acheter mes billets dès qu'ils sortiraient, mais puis on serait beaucoup à le faire. Mais le problème, c'est que la NFL, ils sont très exigeants au niveau des normes, des stades, et puis moi, je pense pas que le stade olympique remplissent les normes pour un match de la NFL. Donc, je pense que ça s'arrêterait là. Mais écoute, ça serait le fun, par exemple, si c'était possible. Là. Moi, je peux t'assurer que peu importe les équipes, c'est sûr que je serais là. Ah, peu importe les équipes, que ce soit... les Jaguars, je partais pour dire les Jaguars de Jacksonville, mais ils seront plus l'équipe qui ont déjà été. Au moins, il y a de l'espoir pour les parties des Jaguars, mais tu sais... Oui. Peu importe l'équipe. Là. Ils vont avoir Trevor Lawrence. Là. C'est que... Ils vont avoir Trevor Lawrence et qu'il va attirer des foules plus vite qu'on pense. Fait que non, c'est sûr, ça ne sera pas les Jaguars, mais peu importe, tu sais, qu'ils envoient des équipes même un peu moins populaires. Là. Puis probablement, ils font souvent, comment je peux dire, ils vont souvent regarder au niveau géographique. S'il y avait un match à Montréal, probablement qu'une des équipes de la région, que ce soit Buffalo ou. Même les Pats. Mais je pense pas que les Pats soient. Oui. Non, mais non pas les Pats, mais je penserais pas non plus, mais peut-être une équipe de New York, par exemple. Ouais, les Jets de New York, genre, qui les Jets ou les Giants qui viendraient, mais ça, gars. Ouais. Les matchs qui étaient, il y avait eu deux matchs. Il y avait eu les Patriots justement contre les Steelers en 90, et il y avait eu les Browns de Cleveland contre les Jets de New York, je pense en 87-88. Et la dernière fois, j'ai écouté Reed Allen mentionner, le dernier match hors concours, il y avait seulement 27 000 personnes au Stade Olympique. Mais le temps a changé, là. C'est plus du tout... Ça serait à guichet fermé, puis ça serait pas long. C'est que la NFL est extrêmement populaire auprès des jeunes. La force de la NFL, une des forces, c'est qu'ils ont un public... par exemple, quand on regarde le baseball majeur, c'est un public... Oui, c'est vieillissant. La NFL, c'est pas ça. Ils ont vraiment renouvelé leur base, puis... Je suis convaincu non seulement que le stade serait plein, mais il y aurait probablement beaucoup de jeunes dans la foule, ce qui est toujours une bonne chose pour une ligue en santé, tu sais, parce que tu veux renouveler ton auditoire. Puis la NFL, alors que la Ligue canadienne, puis c'est malheureux parce que la Ligue canadienne offre un super bon produit, mais eux aussi, la clientèle est vieillissante parce que les jeunes vont beaucoup, beaucoup vers la NFL. C'est que toutes les plateformes aujourd'hui, Danny, tu sais, c'est facile de s'intéresser à la NFL. Tu as tous les matchs que tu peux voir tous les matchs, tu peux avoir les nouvelles de partout en Amérique, c'est que c'est plus facile que quand nous on était plus jeunes. Alors les jeunes s'intéressent plus à la NFL, puis même la Ligue canadienne, qui offre un très bon produit, ils ont plus de difficultés à garder un public plus jeune. C'est que ça marcherait, la NFL. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. Là. Bon, on va y aller avec les porteurs de ballon dans notre deuxième capsule de podcast en vue du repêchage qui aura lieu le 29 avril. C'est plus ce que c'était, la popularité des porteurs de ballon. Je m'en rappelle, il y a eu des porteurs de ballon qui ont sorti très rapidement, 3, 4, 5, 6, même premier dans le cas tu te rappelles de KJ Jenner Carter, tu te rappelles de lui, là, qui était avec les Bengals, qui n'avait absolument rien fait là, dans la NFL. Là. Non. Mais, non, effectivement. Mais c'est quand même... Comment tu qualifies l'année de porteurs de ballon? Il y a quand même de bons noms, là. Travis Etienne de Clemson, qui, si je m'abuse, a battu des records du SEC, d'une grosse conférence. Oui. De Nijah Harris également d'Alabama. Oui. Donc, c'est deux gros noms, là. Oui, écoute, l'année passée, c'était une année exceptionnelle pour les porteurs de ballon. Tu sais, je te dirais, cette année, j'ai deux... Si on faisait j'ai quand même un peu organisé mes classements de cette façon-là. Cette année, si on faisait un parallèle avec comment on classe les joueurs pour la NCAA, j'aurais deux prospects 5 étoiles cette année. Donc, Najee Harris et Travis Etienne, c'est les deux 5 étoiles. Les deux 5 stars, l'année passée, j'en aurais eu 4. Okay. Donc, l'année passée, Jonathan Taylor, J.K. Dobbins, Edouard Hilaire, puis... DeAndre Swift, tous les quatre étaient des 5 étoiles. Cette année, j'en ai juste deux, mais ils sont très bons. Najee Harris et Travis Etienne. Ensuite, on tombe dans les 4 étoiles, mais il y a quand même une bonne profondeur. C'est pas une grande année comme l'année passée, mais il y a quand même des bons joueurs. Okay. Williams, c'est sûr que c'est de Caroline du Nord, après ça, Ganswell et Kelly Hill de Mississippi puis Trey Sermon, les 4 prochains. Oui. Michael Carter aussi de North Carolina, le coéquipier de Williams, il est incroyable aussi. Oui, c'est ça. C'est des bons porteurs de ballon, mais je les mettrais 4 étoiles parce qu'il y a, peut-être que Javonte Williams pourrait être avec Etienne puis Harris, remarque, parce qu'il est vraiment, vraiment très, très bon. Là. Écoute, juste pour te donner une idée, on va commencer par Harris puis Etienne, si tu veux. Là. Ouais. C'est deux gars qui ont le physique parfait pour des porteurs de ballon. C'est deux gars qui sont versatiles, mais surtout Harris. Harris a vraiment connu une grosse année. Ce que j'aime de Harris, c'est qu'en plus, c'est un super bon receveur de passe. C'est drôle, hein, parce que on penserait tous qu'Étienne, qui est le meilleur athlète des deux, serait le meilleur receveur de passe, mais c'est vraiment Najee Harris. Il a gagné 400 verges cette année par la passe. 30 touchés au total. C'est vraiment un joueur élite. La raison pour laquelle les gens l'aiment pas tant que ça, Danny, c'est parce que c'est un porteur de ballon un petit peu de finesse, je te dirais. C'est pas un gars... c'est un gars qui est difficile à plaquer, mais c'est pas un gars... Il court pas comme Derrick Henry. T'sais, j'ai vu des comparaisons avec Derrick Henry, là, puis c'est une très mauvaise comparaison. La comparaison de Najee Harris, ça serait Le'Veon Bell. Il se ressemble beaucoup au même âge, dans le sens où Bell, c'est un gros porteur de ballon de 250 livres quand il était à l'université. Il a maigri après, mais qui était un porteur de finesse, c'est-à-dire qui avait des belles feintes, qui est très agile, qui évitait les plaqués, se servait bien de ses bloqueurs, bonne vision du jeu. Harris, c'est comme ça qu'il court. C'est qu'on dirait que c'est comme un gros attaquant au hockey qui aime pas trop ça frapper, tu comprends? Ouais. On a tendance à les dévaluer. Tu sais, un attaquant de puissance, c'est un gars de 6 pieds 4, 200 quelques livres. Il marque des buts, mais les contacts, tu sais, Max Pacioretty, par exemple, des contacts, il aime pas trop ça. On est dur avec ces joueurs-là. Mais Najee Harris, c'est un peu la même chose. C'est pas son style de courir en puissance, mais il est vraiment très bon. Il évite les plaqués, il se sent bien de ses bloqueurs, il est patient. Il laisse le jeu se développer. Il court vraiment beaucoup comme Le'Veon Bell. Alors, pour moi, c'est vraiment le premier de la classe. Cette année, j'irai avec Harris. Etienne est plus explosif. C'est un meilleur athlète. Mais Etienne, de la façon dont je le vois, là, au prochain niveau, il va être limité à un schéma de zone bloc. Je le vois pas, il est pas versatile. Je le vois pas courir dans du bloc homme à homme. Ça va vraiment être du zone bloc. C'est pas un très bon receveur de passe. Il est pas si bon que ça, je trouve, comme receveur de passe, ni comme bloqueur dans le champ arrière. C'est qu'il y a des choses à travailler, mais c'est le meilleur athlète. Donc, c'est le plus explosif. C'est il pourrait aussi être le premier porteur de ballon choisi. Là. C'est un très bon joueur. Les, ces deux-là, c'est des 5 étoiles. C'est des gars qui peuvent immédiatement avoir un impact important sur une équipe. 5 étoiles, ça veut dire possiblement après, des joueurs de, au minimum partant, c'est pourrait même être des pro bowlers. C'est ça, c'est ça que ça veut dire, 5 étoiles. Je vais être déçu si ça ne devient pas des pro bowlers à un moment donné dans leur carrière. Je vais considérer qu'ils n'ont pas rempli des attentes. Ils sont bons à ce point-là. Là. C'est des gars qui devraient être des joueurs d'impact. Et là, tu en as un qui est sur la limite, c'est Javonte Williams. Lui, c'est un... Écoute, sa moyenne de verges par course cette année, c'est du coup là, 7,26 verges par course. T'imagines? Okay. Ça veut dire que chaque fois qu'il touche au ballon, il gagne en moyenne 7 verges. Fait que, tu sais, je veux dire, deux courses, c'est pas mal un premier jeu. Là. Ouais. Fait que, il est vraiment bon. Il faut pas calculer ça comme ça, mais il y a, juste pour te dire, 27 courses de plus de 15 verges. Il est deuxième derrière son coéquipier Michael Carter, d'ailleurs, pour une course de plus que 15 verges. Puis ça, c'est important parce que ça veut dire que quand Javonte Williams réussit à passer à la ligne de mêlée, quand tu lui donnes le premier Saint-Verge, le premier Saint-Verge appartient à la ligne à l'attaque, le reste appartient au porteur de ballon. Si tu es capable de l'amener à Saint-Verge, le reste, c'est lui qui va faire le travail. Puis lui, c'est quand il réussit à passer à la ligne de mêlée puis qu'il est toujours debout, là, ça va être des longues courses parce qu'il est très explosif. Et puis c'est un gars de 220 livres, c'est un gros porteur de ballon, il est très, très bon. Alors, je ne l'ai pas mis dans les 5 étoiles, mais peut-être que j'aurais dû. Tu sais, c'est un gars qui pourrait devenir une grosse vedette dans la NFL. Très, très bon aussi. OK. Les autres? Ah, mon Dieu, hein? Il y en a pour tous les goûts. Ouais, OK. Oui. Moi, j'aurais au quatrième, sérieusement, là c'est, moi pour moi, c'est serré entre Trey Sermon, Kenneth Gainwell, puis Michael Carter de North Carolina. J'aime beaucoup Carter, mais il est petit. T'sais, il est seulement 190 livres. C'est pas gros, ça. C'est un bon receveur de passe, mais pas tant que ça. Ben, en tout cas, il a pas été utilisé tant que ça dans ce rôle-là. Mais c'est le gars qui domine le football collégial pour le plus de courses de plus que 15 verges. Donc, c'est 29 courses, imagine-toi. Donc, lui, c'est Monsieur Explosion. Là. Quand il passe à travers la ligne de mêlée, il n'est pas arrêtable. Et c'est plus un gars, comment je peux dire, c'est un gars qui est puissant physiquement aussi. Moi, je le vois devenir plus peut-être un sur les troisièmes essais, les situations de passe dans la NFL. Je pense que c'est là qu'il va faire sa marque, mais ça serait un spécialiste de ce genre de situation-là. Moi, je l'aime beaucoup en passant. Là. Ensuite, on aurait effectivement Trey Sermon. Oui, qui est de Ohio State. Que tu m'as nommé tantôt. Ouais, il s'est plate parce que lui, il a pas eu une saison complète à Ohio State. C'est qu'il a des bonnes statistiques. Là. Il a gagné 870 verges, mais en seulement 8 matchs, mais on s'entend que s'il avait joué une saison complète, il aurait gagné peut-être 1500 verges. Là, c'est un super de bon joueur. Par contre, c'est pas un gars qui est une menace par la passe. Okay. Et puis... c'est vraiment un gars qui court en puissance. Il fait juste une chose, là, c'est un 225 livres qui court un peu à la Derrick Henry. Je dis pas, il est pas aussi bon que Derrick Henry, mais c'est ce genre de gars-là. Il a le style où il trouve son ouverture puis il fonce en ligne droite. Là. Il n'y a pas beaucoup de subtilité dans son jeu, mais il est bon dans ce qu'il fait. C'est que lui devrait partir peut-être en deux ou troisième rond. Okay. Mon préféré dans le draft, là, mon arme préférée, par exemple, tu l'as nommé tantôt, c'est Kenneth Gainwell de Memphis. Okay. Lui, il est seulement 191 livres, t'imagines? 195, excuse. Il est tout petit, mais mon Dieu, qu'il est bon. Il est écœurant. Ah, qu'il est bon. Autant comme receveur de passe que comme porteur de ballon. C'est le meilleur receiving back du repêchage. Il pourrait être un très bon receveur de passe dans la NFL en plus d'être un bon porteur de ballon. Moi, j'aurais tendance à dire, c'est sûr qu'il jouait contre une compétition moindre, là, mais je te dirais que à part si j'enlève Étienne puis Harris, si j'oublie la grandeur et tout ce genre d'affaires-là, là, Gainwell, moi, je trouve que c'est lui qui a les meilleurs tapes dans tout leur pêchage. Okay. C'est le gars qui a les meilleurs tapes. Il est hallucinant. Il est très fort physiquement. Il a fait, juste pour te donner une idée, là, il a fait 21 répétitions sur le bench press à 225 livres. Pour un gars de 195 livres, là, il est fort physiquement. Il a fait 4,42 sur son 40 verges. Écoute, cette année, je mets un gros bémol sur les temps sur 40 verges, là, parce que c'est des temps de pro day, là, ça, c'est pas comme au ouais. NFL Combine, mais Gainwell est tellement explosif, si tu l'as vu jouer, Danny, que si on m'avait dit qu'il a fait plus que 4,45 sur 40 verges, j'aurais dit, fait dire commencer, ça se peut pas. Là. C'est sûr qu'il court en bas de 4,45. Là, c'est un gars, sa vitesse sur le jeu, ça, c'est ce que ça dit. Quand ce gars-là s'échappe, il n'y a personne qui est capable de le suivre. Là. C'est que c'est un... moi, si j'avais un gars targeté là, dans le repêchage, là, soit porteur de ballon, receveur de passe, qui va peut-être partir un peu plus loin, là, ça serait Gainwell. Là. Ça serait mon préféré là-dedans. Je le trouve très, très bon. Tu penses que ça pourrait être un joueur qui pourrait être la carte cachée du repêchage? Hein? Oui, carte okay. cachée du repêchage. Ça va être... ne serait-ce que pour retourner les bottés, là, essaye de t'imaginer un gars ouais. comme ça. Tabarouette, il en marquerait des touchés là, comme retourneur. Il est vraiment. Un genre de Tyrone Hill avec Kansas City? Peut-être. Ouais. Ouais, c'est possible. Il y a une couple de porteurs de ballon de Memphis aussi qui font bien. Là. Gibson, je pense, avec Washington. Puis ça pourrait être ça, mais il est meilleur que ces gars-là. Ah, peut-être. C'est parce qu'il est plus. Mais rappelle-toi comment que Kareem Hunt avait pris tout oui. le monde par surprise à ses débuts. Ça pourrait être ce genre de... Mais Hunt était un peu plus gros, il était 215 livres, mais ça pourrait être ce genre de joueur-là. Parce que... Puis tu sais, honnêtement, Danny, là, quand un gars il est fort physiquement, moi je trouve que son poids, ça compte pas tant que ça. T'sais, c'est un petit joueur, mais il m'a dit que si tu essaies de le plaquer juste avec ton bras, puis tu vas avoir une mauvaise surprise parce que c'est pas un. C'est un gars qui est très, très fort physiquement. Là. C'est que moi, j'ai pas de problème. Quand le gars, j'aime mieux un petit joueur qui est explosif qu'un gros joueur qui va être plus facile à plaquer, mettons. Okay. En terminant, c'était le Pro Day. Tu as parlé de Pro Day. Benjamin Saint-Just a son Pro Day cette semaine. Ça a été positif. Oui. Après ça, Justin Fields, j'ai pu voir, ça a été bon. Dans le cas oui. de Saint-Just. C'est correct. C'est à peu près à ça que je m'attendais. Mais encore là, il a fait des bons, il a fait des bonnes mesures. Parce qu'il faut penser que c'est un gros demi-coin aussi. Ouais. Il a couru dans les 4-5. Ou dans les bas 4-5 lui il voulait courir dans les 4-4, c'est ce qu'il nous avait dit, mais il est pas loin, je pense que c'est 4.51, puis il a fait un saut vertical qui est quand même très bon de 34, donc ça confirme son temps, donc parce que cette année, comme je te dis, il faut faire attention au temps, là, parce que c'est pas les temps du combine, ils sont à la main, puis sont un peu inexacts, mais dans son cas, je pense que c'est correct parce que son saut vertical confirme que c'est quelqu'un qui a des jambes explosives. Là. Alors, il a fait un bon... il a fait un pro day correct. Donc, ça ne devrait pas lui nuire. Puis ça, demain que tu parles de ton ton, ça ne devrait pas lui nuire et ça ne devrait pas l'aider. C'est correct? C'est correct. On passe par-dessus. Lui, sa carte de visite, c'est son Senior Bowl. Il a peut-être été un des 3-4 meilleurs joueurs. Là. Il a été le meilleur demi-défensif du Senior Bowl. C'est lui qui a reçu la meilleure cote par Pro Football Focus, puis il la méritait. Là. Ça, j'ai vu ça par la suite. Mais moi, je t'en avais déjà parlé, que je trouvais qu'il s'était distingué. Alors, moi, je te dis que sa carte de visite, c'est Senior Bowl, mais son Pro Day lui a pas nuit non plus. Justin Fields, lui, est en train de se faire dépasser par Zach oui. Wilson. Est-ce que ça, oui. ça l'a ramené? Est-ce que ça... Parce qu'on dit que c'est un bon Pro Day. Écoute... Ça va dépendre de l'équipe qui veut. Hein. Ça dépend de... J'ai l'impression que ça va dépendre de l'équipe, comment elle perçoit. Oui, oui, tout à fait. Mais ce qui arrive avec Field, c'est que tu peux... Moi, un corps athlétique, j'ai pas de problème avec ça, tant qu'il peut jouer plusieurs systèmes de jeu. T'sais, tu veux pas un corps non plus qui est limité à du read option. Lui, c'est pas le cas. Il est multi-schéma. J'ai bien de la misère à croire que ce gars-là va vraiment glisser plus loin que le 3 ou 4e rang, sérieusement. Là. Puis je pense que beaucoup de fans qui pensent ça. T'sais, je pense que la majorité des fans disent que Fields, il est vraiment bon. Moi, je le pense aussi. En tout cas, écoute, s'il glisse, S'ils glissent au-delà du cinquième rang, là, je te dirais qu'il y a des équipes qui devraient sérieusement penser à monter pour aller chercher, parce que c'est vraiment un bon joueur. Puis tu as raison, Danny, son Pro Day, ça a été un Pro Day exceptionnel. C'est sûr que ça va le faire monter beaucoup. Okay. Ça va l'aider, ce Pro Day-là, parce que on voit qu'il était bien préparé. Puis tu sais, tu vois tout le arm talent qu'on appelle, là. Ouais. Donc, il y a un bras exceptionnel. On le savait déjà, mais c'est jamais une mauvaise chose de le rappeler. C'est que moi, je pense qu'il va être un des grands gagnants de la saison des Pro Day. T'as raison. Puis c'est un joueur qui est tellement tough, Justin Fields. C'est un gars qui adore le football. C'est un gars qui se bat dans chaque match. J'ai vraiment de la misère à comprendre le fait qu'il puisse. En tout cas, que Zach Wilson l'ait dépassé, je peux le comprendre, mais faudrait pas qu'il tombe trop loin au repêchage non plus. Eux, on s'en parle la semaine prochaine avec les receveurs de passe. Je pense qu'il y en a des bons cette année également. Fait que on va faire le tour des receveurs de passe la semaine prochaine. Notre ami Hugues Fouché du site internet, le blitznfl.com.